Alors oui, d'abord dans les Mechta, c'était pas grand, hein, c'était simplement une pièce, c'était un genre de cabanon, il n'y avait rien qu'une pièce, c'était tout, hein, il faisait tout dedans, hein, il y avait tout dedans. Hein.